Je suis vieux, les jours s'abaissent. Le peuple rassemble son regard. Le héros des combats devient témoin d'une parole plus forte que sa gloire et son épée. Il rappelle d'où tu les as sortis, ce que tu as fait, ce que tu es. Et il avertit sans farde, la victoire ne survit pas sans fidélité. Rester fidèle est le plus grand combat. Quand les murs sont déjà tombés, garde nos cœurs attachés à toi. Quand les victoires sont derrière nous, quand la guerre se tait dans nos vies et que le confort pas plus doux, garde nos cœurs attachés à toi. Car la paix sans vigilance s'effondre, et même après les plus beaux triomphes, le cœur peut encore se perdre dans l'ombre. Je suis mes les alliances dangereuses, car l'amour partagé devient vite illusion quand la foi tremble devant ce qui amuse. Il rappelle que le Dieu fidèle est aussi un Dieu jaloux, non par peur mais par amour, pour ne pas nous perdre dans de faux verrous. Garde nos cœurs. La fidélité protège la victoire.